J'ai longtemps marché, j'ai longtemps rêvé, j'ai suivi mes idées, j'ai suivi mes pensées. Chacun son perchoir, chacun ses déboires. J'ai suivi le couloir en serrant les mâchoires. À refaire les règles du jeu, plus de somnifères, trop jouer en jeu. Tout est à refaire, un ciel orageux. Égaré, statue oubliée, j'ai perdu mon rocher, je n'ai pas pu m'accrocher. Arbre dénudé, biodégradé, ils ont tout désherbé, mon amour déglingué. À refaire les règles du jeu, plus de somnifères, faut jouer franc jeu. Tout est à refaire, un ciel orageux. Sable, des mots incroyables, marcher sur le sentier, mon rêve est arrivé, les cœurs monnayables, hommes soudoyables, les ailes déployées, l'oiseau va s'envoler. Ciel orageux, tout est mort.